天的魅力演奏厅就到这里，感谢您的收听，欢迎关注。 快乐假期现在出发吧！ 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏柏辽兹的歌剧《浮士德》的沉沦全剧录音，由萨伊吉·奥扎娃指挥波士顿交响乐团演出。 cavalleria li compagni a soffare. Ma le fisti da nuovo compasso prepare, avec che le fieri joyeux il porto leur armure et quel feu dans leurs yeux. Tout cœur frémit dans leur chant de victoire. Insensible à la gloire. Thank you.

Plus ardent des démons, fais-moi voir tes merveilles. J'enchanterai tes yeux et tes oreilles. Au lieu de t'enfermer, triste comme le ver qui range tes bouquins, viens, suis-moi, ma jeuneur. J'y consens, par ton goût pour connaître la vie et laisse le fatras de ta philosophie. Ici, vins et chansons réduisent la vie. una fuga ancora la provisance a morceau magistral. Écoute bien ceci, nous allons voir, docteur, la bestialité dans toute sa cordeur. See you.

Essuie bien mes leçons.

Thank you.

Adieu, festin d'amour.

les passés sont déjà pour elle. As-tu peur de l'eau? Non, je l'attends, courant. Let's go.